Là, ça donne des remèdes médicaux. Alors, il est bon par ordre de la révélation. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui apprend que tel et tel médicament est efficace. Alors, il a dit, donne-lui du miel. Il a dit, le copain du prophète par la machine, il est allé, il lui a donné du miel. Après une période, sur cette période, il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, au prophète, je lui ai dit, et son mal n'a pas arrêté. Il lui a dit, ah, j'ai fait encore du miel. Et ainsi de suite, il est revenu plusieurs fois. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, sadaqallahu wa kadhaba batnu akhik, c'est-à-dire, Dieu a raison, et Dieu n'a pas menti, et le ventre de ton frère a menti. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sadaqallah, ça prouve que c'était parole de Dieu, premièrement. Deuxièmement, kadhaba batnu akhik, c'est-à-dire que le fait que le ventre de ton frère ne se soit pas comporté comme il devrait se comporter, ça ne veut pas dire que le miel n'est pas un médicament contre son mal. Et dans une riwaya, il a ajouté du miel encore et il a été guéri à la fin. La différence entre cette histoire et l'histoire des planteurs de palmiers auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil, et à la fin, ce conseil s'est révélé qu'il était mauvais, puisque les palmiers ont donné de mauvais grains, de mauvaises dates. La différence est que cette histoire-là, la deuxième histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un avis de chez lui, qui n'était pas une révélation. C'est pour ça qu'à la fin, il a dit « Antum a'alamu bi'umur dunyakum », c'est-à-dire celui qui a étudié une branche relative à la science autre que la science religieuse, c'est-à-dire celui-là, il a plus d'expérience, il a plus de connaissances que le savant, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et on a, à l'époque où on vit, plusieurs exemples de ce qui est apparu, par exemple des véhicules et de toutes ces choses-là, qui dépendent, comme on a dit, de notre vie quotidienne, qui n'a rien à voir avec la religion. Alors, ce que nous avons dit, c'est-à-dire que l'étude de l'actualité est une source d'erreur, ce n'est pas une science exacte. On peut parler de l'histoire de Suleyman. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Suleyman, qui commandait les oiseaux, comme c'est bien connu. Et dans la nuit, il y a cette information, souvent, c'est qu'il y avait le royaume, c'est-à-dire qu'il lui a parlé du royaume de Saba, et qu'il y avait une reine, et il lui a ramené d'autres informations. Qu'a dit alors Suleyman, alayhi salatu wassalam, il a dit, قَالَ سَنَنْبُرُ أَصَدَقْتَ أَنْ كُنْتَ وَكَاذِبِينَ, c'est-à-dire, nous allons voir si tu as dit la vérité, si tu as été une menteuse. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce que un agent, même s'il est sous les ordres de Suleyman, ce n'est pas une source sûre d'information. Et ce n'est que pour cela que Dieu a dit « Ya ayyuha alladhina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Il a ordonné de vérifier les informations. Et surtout, s'il y a un cœur, s'il y a une personne qui n'est pas droite, qui n'est pas honorable, de s'assurer de la justesse de l'information qu'il a ramenée. Et comment dire alors? On peut dire des gens qui prennent des informations, des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, ou bien des gens inconnus, même s'ils appartenaient à l'islam. Et c'est pour cela que Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit « Ya ma'ashara muslimin, kayfa tus'aluna ahl al-kitab an shay' wa kitabukum al-nabi » على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث بالأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدثكم الله أما أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب. C'est-à-dire, il leur dit, pourquoi vous questionnez-vous les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, alors que vous avez encore le Coran entre vos mains, et qui vous donne des informations plus sûres, plus actuelles, que les livres que vous ramenez. Parce que le Coran a été révélé après ces livres-là qui ont été falsifiés, ce qui veut dire que les informations sont plus authentiques. Et c'est pour ça que les savants disaient l'ishtighal bi sahih al-hadith shughl 'an saqimih, c'est-à-dire nous n'avons pas assez de temps pour nous occuper du hadith sahih, et si nous avions un temps suffisant, ce serait juste suffisant alors comment nous occuper des hadiths qui ne sont pas authentiques. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les savants ne se sont pas occupés des hadiths inauthentiques quand la nation en a eu besoin pour bien différencier les hadiths authentiques des hadiths inauthentiques. Mais alors que dire à l'époque dans laquelle on vit, où sont les gens qui s'occupent de la science véritable et, mashallah, qui ont terminé de bien apprendre, ils ont acquis tout le savoir, et qui sont passés aux journaux avec ce qu'il y a dans ces journaux, comme on a dit. Et quand je dis ce qu'il y a dans ces journaux, c'est-à-dire personne n'ignore les photos qui sont dedans, les frames qui sont montrés dans les informations, tout ce qui est montré, qui est contraire à l'islam, que l'individu contemple et qui influe sur sa foi, qui voit sa foi diminuer. Et si certaines personnes me disent, ou alors ça veut dire qu'on n'a plus connaissance de ce que l'ennemi projette de faire, en vérité, cette parole-là, on sait bien que c'est une parole mielleuse, mais elle amène en vérité à la destruction de l'islam, en annulant beaucoup d'interdits que cet islam a ramené, entre autres l'interdiction de voir une femme qui n'est pas ou bien sa sœur ou bien sa femme. Et si un des individus dit encore, on sait que c'est haram, qu'on n'a pas le droit de voir, mais on n'a que ce moyen-là, on lui répond, la femme ne justifie pas les moyens. Si tu arrives à un bon résultat avec une chose qui est interdite, ça ne veut pas dire que tu as commis une bonne action. Et souviens-toi du hadith, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bil-rajul al-fajir. Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bil-rajul al-fajir. C'est-à-dire que Dieu fait vaincre cette religion, amène la victoire à cette religion par l'appui d'une personne qui n'est pas vertueuse, une personne perverse. Donc, si nous on disait que nous importe le moyen, ce qui importe c'est le résultat, et on regarde les résultats, mais à chaque fois qu'un résultat est bon, alors on doit suivre cette voie, alors on a qu'à encourager la perversion. Parce que, comme le dit le hadith, ce sont les personnes perverses qui amène la victoire à l'islam, bien sûr, il veut dire dans certains cas. Mais si nous on le comprend de cette façon, alors on va encourager la perversion. Et alors que les savants disaient, comme disait Zahabi, rahimallah, « فَمَنْ يَتَّقَ اللَّهَ كَفَاهُ النَّاسِ وَمَنْ أَرْضَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ خَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْرَبَهُ » C'est-à-dire, celui qui craint Dieu et respecte ses commandements, mais évite les interdits de Dieu, alors Dieu lui suffit les individus. Et on connaît le verset. Il m'a fait une acte à l'instance d'une, c'est-à-dire, c'est à nous qu'on revient, si on veut, de repenser ceux qui se moquent de toi. Et aussi le verset. كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. C'est-à-dire, si vous patientez et si vous craignez Dieu, vous respectez ses ordres et vous évitez ses interdits, ils ne pourront vous mettre en rien du tout. On comprend par là que celui qui utilise des moyens qui sont que Dieu a interdits, qui sont haram, celui-là alors, les affaires vont mourir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas de plier, de croiser les bras et qu'ils ne vont rien nous faire. Mais il faut utiliser les moyens permis, les moyens permis pour rester au coffre. Et le premier moyen, c'est la science. Parce que s'il n'y a pas de science, alors ce sont nos cœurs, premièrement, qui vont basculer. Et c'est ça le plus grand danger. Le plus grand danger, qui est plus grave que le fait que la conquête de la terre, que l'emprisonnement, c'est la conquête et l'emprisonnement du cœur. Et ça, c'est bien connu. Et entre autres paroles que prononcent ces individus, c'est que là, on s'occupe de la politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mots les plus importants. Alors que ces savants-là s'occupent des tricheurs, comme on a pu prétendre, des tricheurs. Et en vérité, là, ces gens-là mentent. Parce qu'ils savent très bien que ces savants-là s'occupent de l'élément le plus important de la religion, c'est-à-dire l'unicité, le toucher. Et très souvent, on entend des savants. On entend parler de l'unicité. Et ils parlent de l'unicité plus d'autres choses, parce que l'unicité est plus importante qu'autre chose. Mais ça ne les empêche pas de parler de tout ce qui est relatif à la religion. Tout ce qui fait partie de la religion, on doit en parler. Et nous, on ne se prend pas la politique, par exemple, de la religion, comme on a vu certains le font. Ils disent que ces savants-là s'occupent seulement de la religion, ils ne s'occupent pas de la politique. Non! La politique, c'est au gouvernement et aux savants de s'occuper de ça, comme on a vu. On a vu que c'est aux savants de conseiller le gouvernement et s'il n'a pas, il n'a pas à donner de compte rendu au peuple, aux gens. De la même façon que le gouvernement n'a pas à dire les secrets, n'a pas à dire les secrets aux gens, au peuple. Et le fait de s'occuper de tout détail de la religion, ça, si on remarque bien, c'est ce que font les savants. Et aucun savant ne dit que le fait d'apprendre aux gens la Bible, que le fait de demander aux gens d'accomplir des choses qui sont aux yeux de certains petits, aucun savant ne dit que ça, c'est la même chose que l'unicité de Dieu. Et aucun. Et c'est pour ça que tout musulman doit donner l'importance à toute parole qui est sortie de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas dire, laissons tomber cette parole, ce n'est pas le moment de s'en occuper. Et dire, c'est seulement, on n'applique pas. L'application du sunnah, l'application de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, que ce soit obligatoire ou facultatif, ce n'est pas quelque chose qui fait retarder la victoire. Ce n'est pas quelque chose qui nous éloigne de Dieu, au contraire. Moula Azza wa Jal قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. Dieu a promis de donner la terre, de donner le commandement de la terre si on veut, l'héritage de la terre, de le donner à qui ? Aux croyants qui font de bonnes œuvres. Qui font de bonnes œuvres. الصالحات, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et a ordonné, ça rentre dans le salihat. Donc le fait de s'occuper de ce que cela appelle blessure, détail, si c'est sorti de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que ça a de l'importance. Et que le fait de le faire, ça nous approche de l'héritage de la terre, de l'istikhlaf, contrairement à ce que cela croit. Et si on constate bien, la question est plus grave que ce que l'aspect en donne. C'est-à-dire que ceux-là qui disent non, on a assez, qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des choses prioritaires que d'autres. C'est pour ça qu'on veut appuyer, qu'on veut insister sur les choses prioritaires et laisser les choses qui ne sont pas prioritaires. Après, on voit en vérité qu'il commence à détester. Certains détestent beaucoup de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça le plus cher. Et que celui qui les applique, celui qui applique ses semaines, pour eux, c'est un vivier. Et si c'était vrai ce qu'il disait, qu'il faut s'occuper de la priorité, et après on viendra à ça, alors on n'insulterait pas, on ne critiquerait pas celui qui applique ce sonnet. Et c'est pour ça que Allah a déjà dit, « Alladhina kafaru, fata'asan lahum ma'adalla a'malahum, dhalika bi'annahum karihu ma anzalallah, fa'ahbata a'malahum. » أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. Et ceux qui ont cru que s'ils mordent la poussière et que Dieu égare leurs actions, et ceux, parce que n'ayant pas aimé ce que Dieu a fait descendre, Dieu leur anéantit leurs œuvres, n'ont jamais parcouru la terre pour voir quel a été le sort de leurs prédécesseurs, Dieu les a complètement détruits. Et la même chose attend, le mécréant, ce que Dieu a fait descendre, c'est tout ce que Dieu a fait descendre, pas une certaine partie seulement. Et ma anzal Allah, quel est ma anzal Allah, ils ne vont pas le porter ici, ils ne vont pas le porter à l'al-shudud, comme ils l'ont porté dans le verset « وَمَنْ لَمْ يَشْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Parce que les kuffars ont détesté tout le Coran et la Sunna. Ils n'ont pas détesté seulement les châtiments corporels. Et on voit bien par ces versets comment la défaite attend ceux qui détestent ce que Dieu a fait descendre, ce que Dieu a révélé, que ce soit un détail à leurs yeux ou que ce soit une chose importante à leurs yeux. Et c'est bien commun que quelqu'un qui ne reconnaît pas l'importance d'une chose, l'appelle détail, l'appelle épluchure, l'appelle par tous ses termes. Et on voit aussi, Dieu les a complètement détruits. Et la même chose à pas chien. Et Dieu leur anéantit leurs œuvres. Dieu leur anéantit leurs œuvres. Donc, si nous, on se rassemble, et en œuvre, et en œuvre, et en œuvre, et on travaille, et on fait ce qu'on veut, si on déteste ce que Dieu a fait descendre, alors Dieu va anéantir nos œuvres. Comme dit Allah dans le Coran, قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Leurs œuvres sont comme un mirage dans une plaine désertique, que l'on s'en fait prendre de l'eau, jusqu'à ce qu'il atteigne, il ne trouve alors rien, et trouve auprès de lui Dieu qui lui donne entièrement la rétribution de son compte, et Dieu a le calcul rapide. Et comme a dit Dieu, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons annulé leurs œuvres, et nous avons rendu comme des atomes de poussière, éparpillé aux quatre vents. Et comme dans Sahih al-Bukhari, le savant, le véritable savant, Ar-Rabbani, que Dieu a vanté dans le Coran, Ar-Rabbani, alladhi yu'allimu an-nas sagha'ir al-umuri qabla al-kaba'ir, c'est-à-dire, le vrai savant, c'est celui qui apprend aux gens les choses élémentaires avant de leur apprendre les grandes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sunan ibn Majah, avec un sonnet authentique, a dit « Inna al-a'malu kal-wi'a, iza baba as-faluhu, baba a'la'a » C'est-à-dire, les actions sont comme le récipient. Si le récipient n'est pas fracturé, s'il est en bon état, alors il préservera bien ce qu'il contient. Et le récipient, on peut dire en vérité que c'est l'aqida. C'est l'aqida, le tawhid. Si l'individu ne connaît pas ce qui peut le montre la bonne voie dans toutes ses actions et qui peut la stabiliser dans sa vie, alors n'importe quelle épreuve peut le faire basculer, peut le faire chanceler. Et on a vu beaucoup de gens qui étaient toujours à la une, qui connaissaient toujours la dernière nouvelle, qui étaient toujours, à la page. Et de rentrer dans leur cœur la crainte de l'ennemi et la fragilité de leur foi jusqu'à ce que cette foi se soit réduite, petit à petit, et qu'il n'a plus resté, rien du tout, ma chair n'y est plus sûre. Et en conclusion, je vais citer une parole d'un grand savant, Abu al-Izm al-Hanafi, rahimahullah, qui a expliqué l'aqida al-Tahawiyya et qui montre que Tawhid, c'est le plus important domaine du savoir et de la science, contrairement à ce que peuvent prétendre certains gens. Paul, فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورة إليه فوق كل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله بأحب إلينا مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. Cette parole montre que chaque science est importante selon le sujet, le domaine qu'elle traite. Le tawhid, on traite de l'attribut de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus important que Dieu? Il n'y a rien qui soit plus important que Dieu. Donc c'est pour cela que l'ilm al-tawhid, c'est le plus important de l'ilm. Et il a dit, la hayata lil-qulub wa la na'im wa la tuma'nain إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. لا تدري les cœurs, c'est-à-dire que les cœurs seront morts, même s'ils sont experts dans d'autres domaines, même s'ils connaissent l'actualité à fond, même s'ils ont pu percer le secret de la Maison Blanche, du Pentagone et de toute l'administration qui conduisent la guerre contre l'islam, alors leurs cœurs seront morts en vérité. S'ils ne connaissent pas bien le tawhid. Et c'est bien connu comment plusieurs sectes, et j'utilise encore ce terme, je dis, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme équivalent en arabe, le firq. Plusieurs sectes critiquent le savant pour des erreurs présumées, soi-disant, dans la politique. Et pour eux, ces savants-là méritent d'être insultés, parfois ils méritent la mort. Pourquoi? Parce que, à leurs yeux, ils se sont trompés dans leur affaire politique. Mais, quant aux sectes qui font du shirk, dans le tawhid n'a rien à voir avec le tawhid des Sahaba, qui conduisent le djihad, qui insultent les gouvernants au-dessus des minbars, cela, il mérite d'être vanté. Et c'est bien connu que l'affaire de l'Afghanistan, Cheikh Jamil al-Rahman, rahimahullah, un des premiers qui a envers le djihad, et ça, en Afghanistan, et ça, c'est une gifle cinglante dans le visage de ceux qui prétendent que les savants du tawhid ne s'occupent que du tawhid et des épluchures comme ils disent. Mais en vérité, ces savants-là s'occupent de toute la religion. Et ce sont eux vraiment qui méritent de s'attribuer la suite du Coran et de la Sunna, et pas ceux qui vantent les gens qui n'ont pas de tawhid, qui font des shirk, qui associent à Dieu dans l'adoration les walis, les morts, même si ces personnes-là, ces morts-là, sont justes, et on voit leurs frères sur toute la terre, partout, les vanter et dire que c'était des moudjahides. Et c'est ceux-là qui ont assiégé Jamil al-Rahman dans la ville de Connor et qui ont assassiné les majeurs, femmes et hommes. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils combattaient le socialisme, c'est-à-dire qu'ils interdisaient que l'individu aille à la tombe d'un mort et qu'il utilise qu'il prenne pour intercesseur entre lui et Dieu, ou bien pire que celui-là ou que cela, qu'il lui demande d'intercéder auprès de Dieu. Et entre autres choses qu'ils ont reproché à Jamil al-Rahman, rahimahullah, comme quoi ils disaient que la drogue est haram. Et pour eux, la drogue, ce n'est pas haram. C'est une chose qui est makrouh. Et une grande partie de l'argent que ces gens-là accumulaient, c'était l'argent de la drogue. C'est bien connu que l'Afghanistan est un des pays qui vend le plus de drogue au monde. Alors, Jamil al-Rahman et les siens ont été encerclés et exterminés, hommes et femmes. Et le résultat, c'est la victoire des sectes. Des sectes contraires à la faction qui essaie de défendre ce qui reste encore de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du véritable islam. Pour conclure, donc on a dit que la politique était du domaine des savants et que les petits qui parlent des savants et qui les critiquent et qui disent que la politique est de leur domaine, cela en vérité, si les gens la suivent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas véritablement la valeur des savants, comme certains ont dit. Mais là, il y a le bachar, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a connu que les petites rivières, quand il voit le fleuve, il connaît alors la véritable valeur des petites rivières. Et telle l'histoire de celui qui était aveugle, que racontent certains, qui était aveugle, puis auquel Dieu a rendu la vue. Mais quand Dieu lui a rendu la vue, il a vu la trompe de l'éléphant. Juste après cette figure, Dieu lui a apporté la vie de l'éléphant. Et après cela, à chaque fois que quelqu'un lui parlait de quelque chose, il posait la question, comment est-elle cette chose vis-à-vis de la trompe de l'éléphant? Est-elle plus grande? Est-elle plus petite? À chaque fois qu'on lui parlait de quelque chose, par exemple du chameau, il lui posait la question, comment est-il par rapport à la trompe du chameau? C'est pour cela que l'individu ne doit pas laisser les grands savants pour ceux qui se prétendent savants, et plus encore si cela font partie du secte dévié. C'est pour ça dans le hadith authentique qu'a rapporté Abdullah ibn Mubarak dans son livre Zot, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire, parmi les signes de l'approche de la fin du temps, c'est que on voit les gens aller apprendre chez les petits. Aller apprendre, prendre la science chez les petits. Et Abdullah ibn Mubarak, il a expliqué ce que veut dire les petits. Il a dit, Al-Ansar al-Bida, c'est-à-dire, sont les membres de sectes déviées. Et Dieu dans le Coran, il a dit, أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ dire, échangez-vous ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, avec ce qui est meilleur. C'est pour ça qu'une personne a posé la question à Imam Ahmed. De chez qui on prend le ilm? قال, سئل عمن نكتب في طريقنا. C'est-à-dire, Imam Ahmed سئل. فقال عليكم بهناد وبسفيان بن وكيع وبابن أبي عمر وإياكم تكتبوا يعني أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا عليكم أصحاب الأثر والسنن. تدير إلى دوني بنو خستيجين بقرن صبا سفيان بن وكيع هناد Vous avez dit, il a dit à ceux qui lui posaient la question, de chez qui on est elle, il a donné ces noms-là, il a dit, il n'utilisait rien des membres de cette désignée, que ce soit petit, que ce soit peu, ou que ce soit beaucoup, n'utilisait rien du tout. Et suivez les gens qui se comprennent le hadith, qui se comprennent le hadar, le salaf. Un peu petit dont on a parlé, il ne leur appartient que de se taire devant les grands. C'est pour cela qu'Abdel Abna Mubarak, il était en présence de Sofiane de Ayoun. Et Abdel Abna Mubarak, ce n'est pas un petit, mais par modestie, il a prononcé la phrase qu'on va entendre, mais pour éduquer les gens qui entendent, pour éduquer la nation, pour leur montrer le respect qu'on doit donner aux savants. Une personne lui a posé une question. Qu'on verra, Abdallah ibn Mubarak, devant en présence de Sufyan ibn Uyayna, alors Abdallah ibn Mubarak a dit, إِنَّ نُهِيَنَا أَن نَتَكَلَّمَ عِنْدَ أَكَابِرِنَا. C'est-à-dire, il nous était interdit de parler en présence des grands. Et ceci, le sujet ordinaire, un peu important. Alors, quand la chose devient importante, l'interdiction s'affirme de plus en plus. C'est pour ça que Saad ibn Abi Waqqas, qui est un vrai sahabi, radiallahu anhu, il a dit, « مثل ما رأيتكم كمثل قوم كان على حجة بيضاء فبين هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجامة طريقة والتبس عليهم فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاهوا وذلوا وقال آخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا وذلوا وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح فناخوا فأناخوا فأصبحوا تذهب الريح وتبين الطريق فهؤلاء هم جماعة. Ce récit-là est rapporté par Abu Sulayman al-Khattabi dans son livre Al-Ujna. Et quand est-ce que Saad ibn Waqqas radiallahu anhu a dit cette parole? C'est quand certains l'ont appelé à participer à la fitna qui arrivait entre les compagnons radiallahu anhu ajma'a. Et lui, radiallahu anhu, malgré sa science, il n'a pas pu porter le jugement au sujet de cette affaire délicate qui fait partie bien sûr de la politique. Alors qu'a-t-il dit? Il a dit, nous sommes pareils à des individus qui marchaient sur une route bien droite, bien droite. Bien sûr, il veut dire, c'est la sunna avant qu'arrive les fitnes qui sont visées. Et à un certain moment, un vent de sable a soufflé. Et nous, c'est-à-dire l'exemple qui l'a frappé, nous avons perdu la route. Et nous ne l'avons plus reconnue. Alors certains d'entre nous ont dit, la route est à droite. Et ils ont pris, et alors ils se sont perdus, et ils se sont égarés. Quant aux autres, quant à une autre partie, ils ont dit, la route est à gauche. Et ils ont pris, et de la même façon, ils se sont perdus et égarés. Alors que d'autres, les plus raisonnables, on dit, nous étions sur la bonne route, quand le vent soufflit. Alors pourquoi ne pas rester sur la route jusqu'à ce que le vent se calme? Et le lendemain matin, quand ils se sont arrêtés, ils ont vu que la route a réapparu et ils ont pu revenir, ils ont pu se guider vers le droit chemin. Il a dit, et cela, c'est la communauté, c'est la jama'a que Dieu nous a ordonné de suivre. Cette histoire montre la gravité de l'acte de ceux qui émettent des avis sans science au sujet des choses politiques. Et ça montre qu'il est facile de perdre le droit humain dans les questions politiques. Le dernier point relatif à la science et au savant, c'est qu'il faut que tous les gens éloignent nos doutes qu'on peut avoir vis-à-vis des savants. Si l'on s'arrête, en vérité, il n'y a rien qu'à celui dont les actions commencent à devenir mauvaises. C'est pour ça إذا ساء فعل المرء ساء بوجهه، وصدق من اعتاده ما توهم، وعاد محبوه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلوم. القدير إذا ساء فعل المرء ساء ظلومه. Si les actions d'un individu deviennent mauvaises, alors aussi ses doutes deviennent mauvais. Et tous ceux qui portent de mauvais doutes derrière les savants, en vérité, ils doivent réviser leurs actions, ils doivent réviser leur aqida, parce que le mauvais doute vis-à-vis du savant, en vérité, à son origine, il y a le mauvais doute vis-à-vis de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لا يمكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. المقريزي سيكي الغنص عزيز رحمه الله كيف كلا دي؟ كلا دي أن دي principal مرحب للمانيتي أن دي principal لا دي principal raison de la déviation de l'humanité في الموضي دوت كلا دي زاوية دي son créateur. Et Dieu quand nous a ordonné de prendre le haine des savants, quand ils nous ont guidé vers qui on doit aller pour prendre la science, on n'a pas dit ça sans connaître, sans vouloir l'intérêt pour nous, mais il nous veut du Dieu. Donc le fait qu'on ait des mauvais doutes envers tous les savants, je ne dis pas envers un savant qui peut être pris pour un imposteur à une apport ou une autre, mais envers tous les savants, les grands savants, et qu'on ait confiance vis-à-vis des petits, ça ne peut être originellement que du mauvais doute envers Dieu. Et il suffit de prendre connaissance de certaines histoires pour donner des excuses, ou bien, je ne dis pas pour donner des excuses, pour bien savoir que les savants ne sont pas obligés de les raconter. Tout ce qu'ils font, par exemple, leur relation avec le gouvernement. Ou bien, ils ne sont pas obligés de nous rendre compte de leurs actions. C'est pour ça que l'imam Malik, comme rapporte certains, comme quand le Malik nous a dit que Shabbat Janaïs, on a eu de l'Murba, on a eu de l'Ikhwana, on a eu de l'Ikhwana, on a eu de l'Ikhwana, on a لا يتهيأ المرء أن يخبر بكل عذر. ذاك المعارك participé au malade des gens et visiter les malades. Et il n'a blasé aucun de ses frères, aucun droit de ses frères. Et petit à petit, il a abandonné action après action, jusqu'à ce qu'il ait tout abandonné. Et il disait, il n'appartient pas, il n'est pas obligé que la vérité présente toutes les excuses et qu'il en parle. Pourquoi? Comme il est indiqué dans certains manuscrits de livres où il rapporte l'histoire, قال وإن كان تخلف عن واجب لأن ثلاث دوله فقال عند ذلك لا يجوز أن أجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا على غير طهارة ويكون ذلك استخفافا. وعند لا طغول إذا ظل لا طغول بالإمام مالك إذا لم يكن obligatoire à tout individu de donner le compte rendu aux gens des excuses qu'il a. Et ne pas prendre comme exemple ce que reproche la plupart de ceux qui insultent les savants ou bien qui les critiquent. Cet exemple, c'est ce qu'ils disent pourquoi les savants ne donnent pas de conseils au gouvernement. Ils ont remarqué, à l'époque où on voit, les déviations de gouvernement, les déviations de gouvernement, ont mentionné. Et on peut dire ici qu'ils auraient dû aussi constater, a priori, les déviations des gens, des individus, qui ne peuvent accéder, contrairement à beaucoup de gouvernements. Ils ont dit alors, pourquoi les savants ne conseillent pas ces gouvernements? Ils avaient vu le hadith qui interdit aux savants de donner des conseils devant tous les gens au gouvernement. Mais c'est un appel le hadith, « Man arada an yansaha li dhi sultan, fala yajhar biha wa ya'khudh bi yadihi wa yakhudhuha fa in qabilaha fa dhak wa illa fa laysa alayh » Donc comme j'ai dit, le hadith est authentique, rapporté par Ibn Abi Asim pour Sunnah. On peut comparer ces paroles que disent ces gens aux savants avec la parole qu'ont dit certains gens à Oussama ibn Zayd, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les kharijites ont reproché à tort, visiblement à tort, à Ousmane ibn Affan, plusieurs choses. Alors certains gens sont venus à Oussama ibn Zayd. Ils lui ont dit, pourquoi ne pensais-tu pas à Othman? Alors qu'a dit Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, je l'ai conseillé par Dieu. Je l'ai conseillé par Dieu. Et croyez-vous que lorsque je veux le conseiller, je le fasse devant vous? Croyez-vous que je le fasse devant vous? Et je l'ai conseillé par Dieu. Et il y avait entre moi et lui que Dieu. Moi, je ne veux pas ouvrir la porte de malheur, de la fitna, de la divergence. Il y a ce hasard, mais c'est le Bukhari et le Muslim, authentique. Et quand on compare l'acte, l'action de Oussama ibn Zayd, on voit qu'il s'applique exactement au hadith qui ordonne de ne pas donner le conseil devant tous les gens. Et on voit que Oussama ibn Zayd, il avait peur d'ouvrir la porte du malheur à cette nation en disant ولكن لا أريد فتح هذا الفتنة. Et on peut se poser la question, quelle est la fitna qui aurait pu arriver à Oussama? Est-ce qu'il avait peur pour lui? Est-ce que la simple chose à craindre de parler de déviation du gouvernement devant les gens, est-ce que la seule crainte c'est que le gouvernement torture ou bien tue la personne elle-même, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ça, en dessus de ça? Et celui qui connaît bien la biographie de Othman ibn Affan et son comportement, il sait que Othman ibn Affan n'avait personne. Et c'est pour ça que les kharijites ont voulu le tuer, et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait le protéger, mais Othman ibn Affan a refusé. Donc Othman ibn Affan, il n'avait pas peur, il n'avait pas à avoir peur de Othman ibn Affan s'il avait conseillé devant tous les gens. Othman ibn Affan radiallahu anhu, il n'a rien fait. Donc c'est quoi cette fitna dont il avait peur? C'est que soit rapporté qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé un gouvernement devant tous les gens, et que les gens prennent l'acte d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annuler le hadith que nous avons cité. Et entre autres, il avait peur d'allumer encore le feu de la fitna que les Sabaïens, les Juifs, mais ceux qui ont suivi Abdullah ibn Sabah avaient allumé, et les calomnies qu'il avait lâchées vis-à-vis de Othman. Et les conseils que Oussama ibn Zayd a donné à Othman ibn Affan, c'est pas des conseils en vérité, c'est-à-dire il est allé pour vérifier ce qui est reproché à Othman ibn Affan. Et l'histoire est bien connue de toute façon, et que c'était un complot qui a été dirigé contre l'islam. Et, alhamdoulilah, le fait que Othman ibn Affan ait accepté de mourir, ça a calmé la fitna. Quand j'ai dit calmer la fitna, c'est-à-dire le complot n'a pas détruit l'islam. C'est ça que je veux dire. Je ne parle pas des tueries qui sont arrivées après. Et on donne des exemples contemporains pour montrer que les savants qui sont à notre époque, les grands frères, sont eux véritablement qui suivent les pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran et la Sunna, et pas ceux qui savent prétendre que nous suivons le Kitab et la Sunna, mais par leurs actes, ils dévient. Cheikh Al-Uthaymeen, hafidhahullah wa rahimah, quelqu'un est venu et lui a dit, pourquoi ne conseillez-vous pas les savants? Et pourquoi ne leur montrez-vous pas leurs erreurs? Et quand on compare cette parole, on voit que c'est la même parole qui a été dite par Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen a dit, ولكن النصح مبذول والله انا اعلمتك يا اخي فلان واعلمت الاخوان ان بيان ما نفعله مع الولاد فيه مفسدتان. المفسده الاولى أن الإنسان يخشى على نفسه من الرياء ويبطل عمله. المرة الثانية أن الرياء لو لم يطيعوا صار حجة على الولاة يعني الرعاية ففاروا وحصل مفسدة أكبر. وشيت بقول بصور دماغ الشيخ العثيمين وعاد كيل كوني بيان لأحاديث وكيل يبطلت بيان contrairement à ceux qui prétendent qu'ils suivent le kitab ou le sunna et avec leurs actions, leurs paroles, ils contredisent ça. Et ça, ça doit mettre en confiance le musulman qui veut chercher vraiment une faction rescapée et qui veut reconnaître les sectes. Il a dit, le premier risque qu'il y a à donner, à rendre compte de ce qui s'est passé entre nous et les gouvernants, c'est un risque qui revient sur la personne elle-même qui a conseillé, le savant qui a conseillé. Ça veut dire qu'il soit heureux de voir que les gens le considèrent et qu'il soit heureux de dire que les gens disent qu'il est courageux, qu'il a été courageux de parler. Le deuxième risque, c'est que si les gouvernants ne suivent pas le conseil, pour une raison ou une autre, le fait de ne pas suivre le conseil, ça ne veut pas dire qu'ils sortent de l'islam. Parce que celui que tu dis, à qui tu dis, ne fais pas tel ou tel péché et que tu ne suis pas, celui-là, il a commis un acte. Et l'acte, il n'a